Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Une fois n'est pas coutume, je dois vous dire merci d'avoir été autant à participer à la création de notre nouvelle histoire. Grâce à vous, Zélie est entrée dans le terrifiant manoir des ombres par une trappe d'accès menant au sous-sol. Cette fois, j'ai envie de vous laisser la surprise à propos de tout ce qui va se passer. Et je peux vous dire que grâce à toutes les idées que vous m'avez laissées, je sais pourquoi le manoir des ombres fait peur. Bien sûr, il y aura un plancher qui craque, des portes qui grincent, des escaliers qui couinent et des ombres inquiétantes. Mais il y aura aussi des murs mous, des tonnes de toiles d'araignées bizarres, une pièce chatouilleuse où tout change dès qu'elle rigole, des tableaux qui servent de maison à des monstres et des fantômes, ainsi qu'un cimetière plein de zombies. Cette histoire devrait vous faire frissonner, mais juste un petit peu, parce que j'ai aussi envie qu'elle vous fasse rigoler. À l'heure où je vous parle, l'histoire est prête à être enregistrée. Tout ce qui lui manque, c'est un titre. Et comme d'habitude, c'est à vous de le choisir. Rendez-vous sur telming.com/lph. telming.com/lph. Vous découvrirez trois propositions de titres, et si vous avez une idée, vous pourrez me la laisser. Vous avez jusqu'à samedi pour voter. J'espère que vous serez nombreux à participer. Je vous embrasse, et je vous dis à mardi prochain.